en famille. Toujours. C'est magnifique. Wow. Bon. Go. Ceux qui voient le mal partout sont maléfiques. Donne-nous un mic et c'est devenu magnifique. Dis-leur que c'était malade. On a dansé à mort les absents en tort comme ceux qui étaient pas là. À la belle étoile entre nous à la fraîche. Tidèche, tartine au beurre de Marrakech. Tous pour un et chacun pour l'autre. La scène notre terrain, ce morceau le vôtre. La ville est unique comme son MC. Donc 2x7, impossible. Chaque seconde la chance de ta vie. Chaque seconde la chance de ta vie. Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis. Sois meilleur si tu veux des amis. Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis. Sois meilleur si tu veux des amis. La zik est magnifique comme cette île en Malaisie. L'enfant de la terre a toujours besoin de ses racines. Se planter, ça ne suffit pas, on sait que pousser c'est évident. Je cherchais une chaise pour deux, du coup on m'a offert un bain. Y'a la scène, donc on se lance, le public n'attend que ça. L'ambiance est Kingston, je sais comment on chauffe une salle. Oh, comme Oxmo, la libération de nos mots. Paye à Puccino, histoire de rentrer en ossement. C'est magnifique. C'est la seule tristesse que je ressens. J'ai mal au rap, voilà pourquoi nous font ces prises de sang. Le rap c'est bien mais toujours mieux de parler aux enfants. C'est magnifique mais toujours mieux de le dire tous ensemble. Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis. Sois meilleur si tu veux des amis. Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis. Sois meilleur si tu veux des amis. Pour me copier, coller, faut plus qu'un logiciel. Temps couvert, mais j'aurai ma part de ciel. Ini, mini, magnifique. Le public chanté, c'est le pic de l'histoire. Dans le fond, on sera toujours potes. On parcourt nos vies dans le hip hop, hop, hop, hop. Pas de guerre, ouais, c'est peut-être ça l'antidote. La route est longue, donc on se transforme vite en pilote. Et vous êtes à bord, sourire en papillote. Attachez vos ceintures, bande de papillons. C'est de l'amour qu'on dégoupille. Donc, appelle tes potos et tes copines. Artiste. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Ouais, à ta santé. Mon frérot, c'était E-M-I. On se met tranquille. Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis. Sois meilleur si tu veux des amis. Chante la vie et oui c'est magnifique. Donne l'amour avant que tout se termine. Sois meilleur si tu veux des amis. Sois meilleur si tu veux des amis. Comment t'es bien, regarde comment t'es bien. Tu souris et tout, t'as la banane. Jamais de ta vie t'as été bien comme ça. Tu peux pas avouer. L'important, l'essentiel, c'est d'être bien dans sa maison.